Lundi à Assemblage requis, on débute la semaine en force avec les petites mythologies de Martin Bertrand. Et il y aura bien sûr une toute nouvelle chronique technologique CNX. C'était Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées, lundi 15h.